Bonjour à tous, vous êtes avec Gilou. Comme la saison précédente, j'ai le plaisir de vous retrouver dans les années bonheur, où je vous accompagne avec la plus belle musique, nouveautés, années 70-80, interviews avec vos artistes. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis de 16h à 17h30 en direct, avec une rediffusion le dimanche à 18h. Retrouvez également nos podcasts et publications sur notre page Facebook. Toute l'équipe Gilles Mougel officielle vous souhaite une bonne rentrée. Soyez des nôtres pour de nouvelles aventures musicales. Bye bye à tous, portez-vous bien, à bientôt. Pour les cœurs qui saignent. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h31, on est bien dans la matinale, nous sommes le jeudi 5 septembre, nous souhaitons une bonne fête au Raïssa, ça vient de l'arabe signifiant déluge. Avec 3 maîtres nombres au sein de ce prénom, nous pouvons nous attendre à un caractère hors du commun. Mais il est logique que de telles vibrations ne soient pas toujours faciles à assimiler puisqu'elles sont synonymes de grandeur, de dépassement de soi et d'aspirations élevées. Certes, un programme aussi grandiose peut l'amener à d'importantes réalisations à la fois matérielles, humanitaires ou créatives, Raïssa se révélant alors une femme inspirée en symbiose avec le cosmos. Ce destin peut la mener très haut et très loin vers les sommets, d'autant plus qu'elle sait être patiente, déterminée, opiniâtre, voire obstinée et qu'elle sent intuitivement que le temps travaille pour elle. Cette route n'est pas sans embûches, sans tension nerveuse excessive, ni sans extrémisme, voire sans fanatisme, car elle a tendance à aller jusqu'au bout de ses possibilités. Ses travers font partie de son génie. Dicton du jour, du 1er au 8, l'hirondelle fuit. Pas de célébration internationale et dans les événements qui se sont déroulés un 5 septembre en 1791, Olympe de Gouges rédigeait la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Allez, tout de suite, première pause musicale avec le chanteur Al Stewart, connu pour le titre Year of the Cat, qu'on écoute tout de suite. Strolling through the crowd like Pete DeLauro contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat. Your time for questions as she locks up your eyes and hers, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tile walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days she says, I feel my life just like a river running through. The year of the cat. Mm-hmm. times and you're still with her. And the bus and the tourists are gone, and you've thrown away your choice and lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay. In the year of the cat, le chanteur Al Stewart sur RGM, un peu plus de 8h37. On parle maintenant anniversaire avec ceux qui sont nés un 5 septembre 1937. Naissance de William Devan, acteur américain, vu dans Marathon Man, The Dark Knight Rises dans le rôle du président des États-Unis, Interstellar dans le rôle du directeur de la NASA, la série télé Côte Ouest dans le rôle de Gregory Sumner, Stargate SG-1, 24 heures chrono dans le rôle de James Seller, NCIS Enquête Spéciale ou encore Revenge. 1939, naissance de George Lazenby, acteur australien connu pour avoir incarné une seule fois le rôle de James Bond. C'était dans le film Au service secret de Sa Majesté en 1969, réalisé par Peter Hunt. 1940, naissance de Raquel Welch, actrice américaine vue dans Les Trois Mousquetaires, et on l'appelait Milady dans le rôle de Constance Bonacieux, et vue également dans La Revanche d'une Blonde dans le rôle de Madame Vindam van der Mark, et la série télé Spin City dans le rôle d'Abby Lassiter. 1942, naissance de Denise Fabre, speakerine, présentatrice télé et animatrice radio française. 1945, naissance de Al Stewart, chanteur britannique. 1951, naissance de Michael Keaton, acteur américain vu dans Beetlejuice, dans le rôle de Beetlejuice. Batman et Batman le défi dans le rôle de Bruce Wayne, alias Batman. Hors d'atteinte dans le rôle de Ray Nicolette. La coccinelle revient. Need for Speed, Spider-Man Homecoming dans le rôle d'Adrien Toomes, alias Le Vautour, vu dernièrement dans le film Dumbo de Tim Burton, dans le rôle de V.A. Vandemer. 1958, naissance de Daniel Gauthier, homme d'affaires, administrateur québécois, cofondateur du Cirque du Soleil. 1966, naissance de Terry Ellis, chanteuse américaine du groupe En Vogue. 1969, naissance de Leonardo Nascimento de Aroro, footballeur brésilien devenu dirigeant de club de foot. Il occupe actuellement le poste de directeur sportif au Paris Saint-Germain depuis le 14 juin dernier. 1973, naissance de Rose McGowan, actrice américaine, vue au cinéma dans La California Man, Scream, Le Dahlia Noir, Boulevard de la Mort. On la connaît surtout pour son rôle de Paige Matthews dans la série télé Charmed et vue dans 2 épisodes de la série Once Upon a Time dans le rôle de Cora jeune. 1989, naissance de Katerina Graham, actrice et danseuse américaine, vue dans 17 ans encore, Dance Battle Only 2 dans le rôle de Maria Ramirez, à la télévision dans Newport Beach, Les Experts, Anna Montana, mais on la connaît surtout pour son rôle de la sorcière Bonnie Bennett dans la série à succès Vampire Diaries. 1991, naissance de Skandar Keness, acteur britannique connu pour son rôle d'Edmund Pevensie dans la trilogie du monde de Narnia. Il s'est reconverti aujourd'hui dans la politique. En 1996, décédé Leonard Katzman, réalisateur, producteur, scénariste américain. Son nom est associé à plusieurs séries télé à succès comme L'Âge de Cristal, Les Mystères de l'Ouest et surtout la série Dallas. En 1997, décédée Mère Teresa, religieuse albano-indienne, prix Nobel de la paix en 1979, connue pour son action personnelle caritative. En 2012, décédé Christian Marin, acteur français, vu dans Piouk Piouk et connu pour son rôle du maréchal des logis Albert Merlot dans Le Gendarme de Saint-Tropez, Le Gendarme à New York, Le Gendarme se marie et Le Gendarme en balade. Et hier, nous avons appris le décès de l'actrice Ariane Carletti du club Dorothée à 61 ans.

Le groupe En Vogue sur le 107 FM, presque 8h48, on parle du communiqué Le Mouvement Citoyen. Nous voulons des coquelicots stop aux pesticides qui organise un rassemblement à Saint-Nabord ce vendredi 6 septembre, c'est demain à 18h30, place de la gare. Ce rassemblement a pour but d'exiger des responsables politiques l'interdiction des pesticides, herbicides, fongicides de synthèse. Toute la population est invitée à cette manifestation pour affirmer sa détermination d'un environnement et d'une alimentation sain et dépourvue de toute pollution. Chacune et chacun peut aussi soutenir ce mouvement en signant la pétition sur internet, en se rendant sur le site nous voulons des coquelicots toutattaché.org. Allez, à un peu plus de 8h48, on fait un point météo. La météo. Et ça reste encore une météo plutôt agréable, même si aujourd'hui on aura quand même des nuages. Cela restera une journée ensoleillée. Des températures comprises entre 13 et 14 degrés ce matin, entre 17 et 19 degrés prévues pour cet après-midi. Vendredi, soleil et nuages. Des températures comprises entre 9 et 10 degrés le matin, entre 19 et 21 degrés prévues pour demain après-midi. Samedi, ce sera une journée pluvieuse. Des températures comprises entre 10 et 11 degrés le matin et entre 16 et 18 degrés prévus pour samedi après-midi. Allez, on fait tout de suite un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. On parle tennis avec l'US Open et l'élimination de notre dernier Français en compétition, Gaël Monfils, qui s'est incliné en 5-7 face à l'Italien Berrettini. Gaël Monfils qui était mené 2-7 à 1, qui a réussi à revenir, qui était mené 5-2 dans le cinquième set. Là aussi, il a réussi à revenir, mais il s'incline dans le jeu décisif du cinquième set au bout de la cinquième balle de match. Ça nous donne 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6. Rafael Nadal s'est qualifié en 3-7 face à Schwartzman, 6-4, 7-5, 6-2. Côté féminin, Bencic s'est qualifié en 2-7 face à Vekic, 7-6, 6-3. Et Andreescu s'est qualifié en 3-7 face à Mertens, 3-6, 6-2, 6-3. Aujourd'hui, Serena Williams affrontera Svitolina et Bencic sera opposé à Andreescu. Un mot de basket avec les championnats du monde et la France qui affronte cet après-midi à 14h30 la République dominicaine. Un mot de hockey sur glace avec un match amical ce soir à la patinoire de Poissompré à 20h15. Épinal qui reçoit le club de Strasbourg évoluant en D1 cette saison. Et un mot avec la CHL puisque le club de Grenoble reçoit ce soir le club finlandais de Carpates. Un mot de ski maintenant avec Marcel Hirscher qui a annoncé mettre un terme à sa carrière qui compte 67 victoires en Coupe du Monde, 8 gros globes, 5 titres mondiaux individuels et 2 médailles d'or olympiques. Et on termine avec le CNOSF qui a désigné Martin Fourcade qui était en compétition avec Renaud Lavilloni comme prochain Français candidat à la commission des athlètes du CIO. Il sera candidat aux Jeux Olympiques 2022 puisque c'est un athlète de sport d'hiver. Il faudra qu'il attende jusque-là même si le mandat de Tony Estanguet lui expire au soir des Jeux Olympiques de 2020. La France restera donc 2 ans sans représentant. Martin Fourcade a déclaré être heureux et fier d'avoir été choisi. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer une dernière pause musicale avec une nouveauté sortie hier. C'est Christophe Maé qui fait son grand retour. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas entendu. Eh bien, le voilà de retour avec un titre intitulé « Les gens ». Y a des gens du voyage, y a des gens qui voyagent, des gens qui restent et des gens de passage. Y a des gens qui planent et ceux qui touchent le fond, des gens qui dorment et des gens dorment son. Y a des gens divers et y a des divergents, des gens qui espèrent et des gens d'Abidjan. Y a des gens du nord, des gens du sud, des vies douces et des vies rudes. Et y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et y'a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Y a des gens de la haute et y a des gens d'en bas. Y a des gentils, des gendarmes, des junkies et des scars. Des gens qui pleurent, des gens qui rient, des Teddy Riner et des Carla Bruni. Y a des gens Valjean qui mangent leur peine. Oui, des vrais gens qui font de la peine. Des gens qui s'aiment et qui s'assemblent. Des gens différents qui nous ressemblent. Et y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Y a des gens de la nuit, y a des gens du matin. Des gens qui s'ennuient, des agents de mannequins. Y a des gens qui saoulent et des gens sous l'agent. Des gens qui rêvent la vie des autres gens. Et y'a des gens changeants, et y'a des gens stables. Des affligeants et des remarquables. Des gens de l'Est, des gens à l'Ouest. Des gens qui vont, d'autres qui restent. Et y'a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et y'a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Et y'a des indignés, des indigents, des déjantés, des commerçants. Y'a des gens simples, des gens seuls, des gens chanceux et des gens humbles. Y'a des amants, des dirigeants, des gens qui en bavent et des braves gens. Y'a des gens gays, des sergents. Et dans tout ça, et dans tout ça, nous deux. Et dans tout ça, tous là, nous deux. Voilà les gens, le tout dernier titre de Christophe Maé sur RGM. Il est pile 8h55 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, eh bien, on va faire un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. Dans quelques minutes à 9h, ce sera la rediffusion de La Parole est à vous avec Michel. À 13h30, la rediffusion de la chronique de Michel. 14h, rendez-vous avec Tanguy pour Clip Clap, on tourne. À 16h, le retour de Gilou avec Les Années Bonheur. 18h, Regarde ailleurs. 22h, Mille et une histoires du tatouage avec Alex et 23h Rock à la Casbah. Nous on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.